Selon la radio sud-coréenne CBS, le comité de mesures extraordinaires sur la situation du Conseil des églises chrétiennes de Corée du Sud a lancé une déclaration en faveur de la paix dans la péninsule coréenne. Il a averti les autorités qu'elles rencontreront une résistance importante, populaire et nationale si elles abusent de la division nationale pour la sécurité du pouvoir.